Chapitre 13e. L'importance des deux mains. Un soir, à l'hôpital, Karim et quatre autres collègues, dont Fatma, médecin, sont réunis dans le petit local de leur section syndicale. Ils discutent de la grève des étudiants en médecine. « Nous devons faire quelque chose pour eux, » réclame Fatma avec véhémence, « leur témoigner notre solidarité. Il nous faut les contacter directement et leur demander ce qu'ils voudraient qu'on fasse en leur faveur. Vous le savez bien, une seule main ne peut pas applaudir. Il ne faut pas qu'ils restent seuls, isolés, face aux autorités. La force de ces dernières vient uniquement de notre division. Si le peuple réussit à s'unir, aucun organisme de répression ne parviendra à le dominer. Toute la tragédie de notre peuple est là, sa division. Et ce n'est pas sa faute, mais celle des personnes censées disposer du savoir pour aider le peuple à comprendre où se trouvent ses intérêts et comment les défendre. » Elle s'interrompt un instant pour se rendre compte du résultat de son discours sur les auditeurs. Satisfaite, elle ajoute « Le peuple, c'est nous aussi qui sommes ici. Et nous, nous avons eu la chance d'avoir un minimum d'instruction. Donc, à nous de trouver comment défendre nos intérêts. Ils sont, je le répète, ceux du peuple. » Les autres écoutent ses propos avec une extrême attention. Karim est fier d'avoir convaincu Fatma d'assister à la réunion. Elle avait découvert que durant les permanences de nuit, il lisait. Elle lui demanda des informations sur les livres. Il les donna. Fatma aimait lire. « Je suis curieuse de tout, » affirma-t-elle, toute contente. Alors Karim lui prêta, l'un après l'autre, le livre sur l'histoire des soviets russes, puis celui sur les collectivités sociales espagnoles. Karim constate à présent l'utilité de ces lectures par sa collègue. « Il faut, se dit-il, que je trouve le moyen de faire lire ces livres par tous ceux qui sont maintenant ici, et même d'autres. » Sans oublier les femmes, elles sont d'une importance fondamentale. Étant plus dominées que les hommes, si elles se réveillent, elles seront plus conséquentes et plus résolues qu'eux. Les autorités peuvent interdire la liberté de parler, de s'associer, de manifester, mais pas celle de lire, surtout en cette époque d'Internet où on peut les trouver gratuitement. La liberté de lire les livres adéquats sera suivie par celle de s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. La preuve, Fatma, maintenant. « Qui veut alors, » demande Fatma, « aller prendre contact avec les grévistes ?» Les autres se consultent du regard sans répondre. « Eh bien, je me propose, si vous êtes d'accord, » dit-elle. « Les grévistes sont des étudiants, des jeunes, » note un collègue d'une soixantaine d'années. « Et alors ?» réplique Fatma. L'objecteur sourit amicalement, puis « N'est-ce pas mieux de leur envoyer une personne proche de leur âge, par exemple Karim ?» Fatma sourit à son tour, puis « Ah, parce que j'ai une trentaine d'années passées !» Voilà encore un motif de notre division entre ce qu'on appelle les jeunes et les adultes. Au contraire, il faut que ces deux catégories s'unissent, que les vieux fournissent le fruit de leur expérience et les jeunes celui de leur enthousiasme, les deux unis par l'espérance. Et n'écoutons pas, d'une part, les jeunes qui croient que la vieillesse est signe de déchéance, ni les vieux qui déclarent que leur génération a fait ce qu'elle a pu et délèguent le reste à ce qu'ils appellent la nouvelle génération. Tout cela est une grave erreur dont nous payons tous, jeunes et vieux, le prix. » Tous les auditeurs applaudissent. Ensuite, l'un des présents lance. « Eh bien, Fatma, là, tu nous surprends. On te découvre. » Elle indique fièrement Karim. « C'est son mérite. J'éteins dans l'obscurité et il m'a aidé à la dissiper. » « En faisant quoi? Un miracle ?» interroge celui qui vient de faire son éloge. « Oui, un miracle, on peut le dire. Lequel ?» Elle regarde Karim. « À toi de le dire. » « Je lui ai simplement, explique-t-il, prêté deux petits livres à lire. »« Alors, dit l'homme, prête-les-moi aussi. »« Volontiers, quand Fatma me les rendra. »« Ou plutôt, il se tourne vers elle, donne-les directement à lui. »« Moi aussi je me mets sur la liste, » déclare un autre. « Moi aussi, » ajoute un troisième. « Alors c'est vraiment bien. Ainsi nous pourrons parler ici, échanger nos idées, les éclaircir. »« En effet, acquiesce Fatma, agir, c'est bien. » Mais sans idée claire, c'est comme marcher dans le noir, sans lumière. Karim est au comble de la joie. Jamais il n'avait songé ni espéré un tel résultat. Il ne résiste pas à communiquer ses pensées. Voilà comment nous découvrons l'utilité de se rencontrer, de se parler, de s'unir. Et voilà pourquoi nos dominateurs nous en empêchent. Ils veulent nous maintenir dans la pire des conditions, l'isolement, cause de désarroi et de résignation. Un des présents, qui était resté silencieux, intervient. « C'est vrai, » admet-il, « mais le plus difficile est de convaincre les dominés qu'ils ne se battront pas pour se voir, encore une fois, dominés par une nouvelle caste, comme c'est le cas depuis l'indépendance. »« Tu as parfaitement raison, » confirme Fatma. « Je le sais par expérience personnelle. Longtemps j'ai hésité avant de vous rejoindre à la section syndicale. C'est parce que j'avais peur d'être manipulé pour servir la carrière d'autres individus. C'est en lisant les livres que m'a prêté Karim, puis en le connaissant suffisamment, que j'ai commencé à avoir confiance. Dans ces livres, j'ai appris comment agir pour éviter d'être la victime d'arrivistes et de carriéristes érigeants en chef. C'est cette assurance qui m'a persuadé d'être avec vous, ici. » Elle s'enthousiasme. « Frère, il faut que vous les lisiez tous, ces livres, et que chaque membre nouveau de notre syndicat les lise, et encourager à la lecture toutes et tous les travailleurs d'ici et ailleurs. Ce n'est pas du tout par hasard que ces livres ne sont pas connus, sont occultés par tous ceux qui veulent jouer au chef pour se faire une carrière. Je dis même plus, il faut qu'on trouve le moyen de traduire ces livres en notre langue, je veux dire en arabe parlé, et les lire sur des supports audio afin que les gens du peuple les écoutent. « Quelle idée !» s'exclame l'un des présents. « Comment l'as-tu ? Des salafistes. Ne produisent-ils pas des CD audio où ils prêchent leurs idées pour les propager dans le peuple, et cela en arabe parlé ? Alors, qu'attendons-nous pour faire de même avec nos idées à nous ?»« C'est vrai, » acquiesce l'homme qui l'a interpellé. Il se tourne vers ses camarades et ajoute. « Quand les femmes se mettent dans la lutte, elles sont plus productives, plus radicales que les hommes. Alors, applaudissons Fatma !» Tous battent des mains en signe d'admiration pour elle. Fatma se calme et conclut. « Bon, excusez-moi si j'ai trop parlé. Maintenant, nous devons décider comment et quand contacter les grévistes. Et rappelez-vous ce que j'ai appris dans ces fameux livres. Je ne suis que votre mandataire, et ne laisserai que tant que je me limite à exprimer vos revendications, sans jamais outrepasser mes prérogatives. Autrement, vous devez me rappeler à la mission que vous m'aviez confiée, et si vous le jugez nécessaire, choisir un autre mandataire. » Mieux représentatif du groupe. Tous l'applaudissent avec chaleur.